La Bible David Martin 1855. Le livre d'Esdra. Esdra chapitre 1. La première année donc de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie fût accomplie, l'Éternel excita l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit publier dans tout son royaume, et même par lettre, en disant, « Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et lui-même m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem, qui est en Judée. Qui est-ce d'entre vous de tout son peuple, qui s'y veuille employer? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, qui est en Judée, et qu'il rebâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui habite à Jérusalem. Et quant à tous ceux qui demeureront en arrière, de quelque lieu que ce soit où ils fassent leur séjour, que les gens du lieu où ils demeurent, les soulagent d'argent, d'or, de biens et de montures, outre ce qu'on offrira volontairement, pour la maison du Dieu qui habite à Jérusalem. Alors les chefs des pères de Juda, de Benjamin, des sacrificateurs et des lévites, se levèrent pour conduire tous ceux dont Dieu réveillait à l'esprit, afin de remonter pour rebâtir la maison de l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Et tous ceux qui étaient alentour d'eux les encouragèrent, leur fournissant des vaisseaux d'argent et d'or, des biens, des montures et des choses exquises, outre tout ce qu'on offrit volontairement. Et le roi Cyrus fit prendre les vaisseaux de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar avait tiré de Jérusalem, et qu'il avait mis dans la maison de son Dieu. Et Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithridate, le trésorier, qui les livra par compte à Sesbatsar, prince de Juda. Et c'est ici leur nombre, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 20 et 9 couteaux, 30 plats d'or, 410 plats d'argent du second ordre, et d'autres ustensiles par milliers. Tous les ustensiles d'or et d'argent étaient 5400. Sesbatsar les fit tous rapporter, quand on fit remonter de Babylone à Jérusalem, le peuple qui en avait été transporté.